Le monde égéen. Nul ne sait comment les premiers hommes qui s'établirent en Crète arrivèrent jusqu'à cette île de la Méditerranée orientale, longue de 244 kilomètres, en forme de baleine, qui aux environs de 1900 avant notre ère allait devenir le théâtre de la civilisation la plus vivante des temps anciens. Nul ne connaît non plus l'identité de ces premiers Crétois, ni leur lieu d'origine. On sait seulement qu'ils s'y installèrent au 7e millénaire avant notre ère. Ils seraient venus, d'après certaines vieilles croyances, de l'extrême bout de l'Europe, de la Grèce continentale. En effet, un fort vent du nord souffle souvent de la Grèce vers la Crète. Des marins qui naviguaient le long de la côte déchiquetée de la Grèce, la serrant de près et s'abritant, inquiets, dans une anse après l'autre, auraient soudain été propulsés vers le sud par la tempête. Dépassant à toute allure les Cyclades, ces îles qui parsèment le sud de la mer Égée, ils auraient atterri sur la côte nord de la Crète. Ou bien, les premiers Crétois venaient peut-être du Levant, des régions côtières de ces terres, qui sont aujourd'hui Israël, le Liban et la Syrie, ou bien de la Turquie, peut-être même de l'Égypte ou de la Libye en Afrique. Le fort courant qui traverse la Méditerranée orientale, en sens contraire des aiguilles d'une montre, pourrait bien avoir happé un malheureux vaisseau naviguant trop au large d'une de ses côtes pour l'emporter bon gré mal gré vers le nord-ouest en direction de l'Égée et de la Crète. Des marins venant de plusieurs de ces régions figuraient sans doute parmi les premiers occupants de l'île. Quel que fût leur point de départ, ces voyageurs du néolithique, pelotonnés dans leur minuscule bateau, trempés et malheureux, durent être soulagés lorsqu'ils aperçurent la Crète. L'île paraissait vaste et accueillante. Les sommets de ces trois montagnes surgissaient de la mer, évoquant le trident de quelques dieux. Elle n'offrait pas que des avantages, cependant. Son relief chaotique, avec ses pics calcaires et ses gorges impénétrables, rendait la culture difficile. Comparée au Nil ou à l'Euphrate, les rivières crétoises étaient des ruisseaux, impropres à l'irrigation. Il n'y avait pas non plus de plaines inondables pour faciliter la tâche des agriculteurs. Malgré ses défauts, la Crète possédait trois avantages majeurs pour l'agriculture. Un ensoleillement important, des pluies légères en quantité suffisante et un sol fertile bien que caillouteux. Les mariages entre membres des différents groupes, l'habitat stable ainsi que les échanges de savoir-faire qu'ils avaient acquis dans leur pays d'origine permirent aux colons de tirer le meilleur parti des ressources de l'île. Au cours des siècles, les champs de blé et d'orge s'étendirent dans les vallées protégées. On finit par découvrir que la vigne se plaisait à merveille sur les coteaux saturés de soleil. Le climat convenait également aux oliviers. Plus tard, la Crète devait édifier sa prospérité sur l'exportation de vin et d'huile d'olive. Les nouveaux venus apprirent également que la grande mer Berthe, tellement redoutée des Égyptiens, serait leur meilleur ami. Les immenses étendues d'eau qui les entouraient constituaient une barrière naturelle contre les envahisseurs. À aucun moment, ni à leur arrivée dans l'île, ni lorsque leur civilisation fut à son apogée, les Crétois ne jugèrent utile d'entourer de murs leurs villes, grandes ou petites. Alors que la Méditerranée dissuadait les assaillants éventuels, les Crétois la sillonnaient de plus en plus pour pratiquer le commerce et étendre leur influence. La première marine marchande de l'Antiquité fut lancée par les constructeurs de navires et les marins crétois, experts en la matière. Embarqués sur leurs vaisseaux, les Crétois colonisèrent des îles un peu partout en mer Égée. Les commerçants partirent chercher des affaires lucratives à des centaines de kilomètres jusqu'en Égypte, dans les Cyclades ou en Syrie. De la technologie sumérienne, les Crétois apprirent les secrets du travail du bronze, tandis que les Égyptiens les initièrent à l'art de fabriquer des urnes en pierre. La prospérité engendrée par un commerce florissant permit aux architectes et aux ingénieurs de construire des ports, des aqueducs, des palais superbes. Peut-être est-ce le fait de leur isolement. Les Crétois se préoccupèrent bien moins de fabriquer des armes et de guerroyer que les habitants de l'Égypte et de la Mésopotamie à la même époque. À la différence des Égyptiens, qui couvraient les murs de leurs tombeaux de scènes de cérémonies officielles pompeuses, et des Sumériens, dont l'art servait à consigner leurs conquêtes, les artistes crétois peignirent des tableaux idylliques. Les personnages qu'ils représentent se prélassent ou s'adonnent à des jeux sportifs. Ils ornèrent les murs de représentations de fleurs, de poissons, d'oiseaux ou de dauphins. Les Crétois nous ont laissé l'image d'un peuple tout à la joie du présent, perpétuellement émerveillés de la vie sur la petite île. Et lorsque, finalement, leur civilisation millénaire succomba à la suite de tremblements de terre et d'invasions, ils ne laissèrent aucune trace écrite que l'on sache déchiffrer et peu d'autres indices de leur mode de vie. Les réalisations de la civilisation crétoise n'eurent aucun équivalent dans le Rome d'alors. Depuis les côtes sauvages de l'Irlande jusqu'au littoral escarpé de la Grèce, les peuples vivaient pour la plupart comme ils avaient vécu depuis la nuit des temps, en tribus errantes, occupés à chasser et à cueillir des plantes comestibles. De loin en loin, on pouvait rencontrer des groupements familiaux qui avaient abandonné cette vie nomade pour s'essayer à une agriculture rudimentaire. Mais nulle part en Europe, les êtres humains n'avaient mis en œuvre un type d'agriculture susceptible de produire des récoltes excédentaires en même temps qu'ils créaient une civilisation. Du fait de son isolement, la civilisation crétoise a bien failli passer inaperçue des historiens. Seuls les mythes conservèrent le souvenir des habitants de la Crète jusqu'à ce que, 33 siècles après la mort de leur civilisation, les secrets enfouis sous les ruines de leur palais fussent enfin mis au jour. Cette extraordinaire culture fut découverte progressivement, à partir du mois de mars 1900, par un savant anglais passionné d'histoire grecque, Sir Arthur Evans. C'est à lui que nous devons la plupart de nos connaissances actuelles sur la Crète. L'aventure archéologique d'Evans commença plus ou moins par hasard. Un antiquaire d'Athènes lui montra de minuscules sceaux gravés trouvés, semblait-il, en Crète. En scrutant ces antiques curiosités, Evans découvrit ce qu'il appela des gribouillis. Convaincu qu'il s'agissait d'une écriture et qu'il était sur la piste d'une langue ancienne, morte et oubliée depuis longtemps, Evans s'embarqua pour la Crète à la recherche d'autres sceaux. Au bout de quelque temps, ses recherches l'amenèrent à Knossos, un petit village insignifiant en apparence. Là, obéissant à son intuition, il entreprit de fouiller un gros tertre fait de détritus qui s'avéra contenir les ruines d'un palais monumental. Les bêches et les pelles des ouvriers employés par Evans finirent par extraire des fragments d'une fresque montrant un cortège d'hommes porteurs de ravissantes poteries et de vases de toutes sortes. Evans fut captivé par ces personnages sereins qui voyaient le jour après des milliers d'années passées sous terre. Il contemplait enfin, pour la première fois, les hommes qui avaient construit ce beau palais. Il tenait également un indice qu'allait lui permettre d'identifier sa découverte et de replacer ce maillon dans la chaîne de l'histoire humaine. Evans connaissait l'existence de personnages similaires peints par les Égyptiens sur les murs des tombeaux dans la ville royale de Thèbes. Les fresques égyptiennes, datant d'environ 1500 avant notre ère, représentent des cortèges d'étrangers apportant des cadeaux au pharaon Thoutmôsis III. Ces personnages exotiques, dont l'abondante chevelure couvre les épaules, tranchent avec leurs hôtes égyptiens aux cheveux courts. Minces, la poitrine nue, ils portent de hautes bottes lacées et un pagne, ou bien un kilt couvert de dessins complexes, plus longs devant que derrière. Parmi leurs offrandes figurent des vases ornés aux anses gracieusement arrondies, des coupes et des aiguières délicates d'or et d'argent, de longues chaînes qui ressemblent à des colliers, et, chose rare pour l'Égypte, des récipients votifs en forme de tête de taureau. Les hiéroglyphes qui accompagnent ces peintures précisent que les visiteurs étrangers furent accueillis par le souverain en tant que chef de Kefthiou et des îles au milieu de la mer. Les hommes des fresques de Knossos ressemblent à ceux qui portaient des cadeaux à Thèbes, même kilt, même longs cheveux noirs. Evans s'était persuadé d'avoir trouvé la patrie des Kefthiou, ce peuple connu et respecté des Égyptiens. D'après l'âge attribué par les archéologues aux éclats de poterie recueillis sur le site de Knossos, le palais devait être incroyablement ancien. Construit aux environs de 1900 avant notre ère, il était antérieur aux premiers Mycéniens, ces Grecs qui, d'après la légende, sortirent vainqueurs de la guerre de Troie. Evans était sûr d'être tombé sur les vestiges d'une société hautement développée, la première civilisation en Europe, peut-être. Il consacra plus de 30 ans de sa vie à la restauration du palais de Knossos et en produisit très régulièrement des descriptions enchanteresses avec ses élégantes fresques, ses escaliers monumentaux, ses colonnes basées, ainsi que son système complexe d'adduction d'eau douce. Mais ses efforts pour mieux connaître la civilisation qui avait créé ces merveilles n'étaient pas toujours couronnés de succès. Les fouilles mirent toujours quantité de tablettes d'argile, portant une écriture mystérieuse, les gribouillis, qu'il avait d'abord vus sur les sceaux à Athènes. Et pourtant, après plusieurs décennies d'études, Evans restait incapable de déchiffrer cette écriture. Connue sous le nom de Linear A, elle est en effet à ce point différente de tout autre système d'écriture qu'on n'a jamais réussi à la déchiffrer. On ne sait donc rien, ou presque rien, de la poésie et de la vie politique des gens qui écrivaient en Linear A. Notre connaissance de l'histoire de la Crète ancienne reste fragmentaire, basée sur la juxtaposition de morceaux d'œuvres d'art brisées et d'autres indices trouvés dans l'amas des ruines. L'interprétation actuelle de cette histoire est basée en grande partie sur des conjectures. Même le nom donné à la culture crétoise fut tiré de la langue et des légendes d'un peuple plus tardif, les Grecs. À cette société de l'âge de bronze, Evans donna l'appellation de Minoenne, d'après le roi Minos, un souverain égyen qui occupe une place importante dans la mythologie grecque. Selon la légende, Zeus, le roi des dieux, tomba amoureux de la belle Europe, une princesse venue de Palestine. Il lui apparut d'abord sous la forme d'un taureau, puis sous celle d'un aigle. De leur union naquirent plusieurs fils, dont Minos. Fondateur d'un royaume fabuleux en Crète, commandant une flotte importante, Minos débarrassa la mer Égée des pirates et soumit les peuples du littoral. Il exigea un lourd tribut des villes conquises. Ainsi, Athènes devait chaque année lui envoyer un navire rempli d'hommes et de femmes jeunes, destiné à nourrir une créature appelée le Minotaure. Moitié taureau, moitié homme, ce monstre vivait tapi dans le labyrinthe, un bâtiment dont la construction était si diaboliquement complexe que nul, une fois entré, ne pouvait retrouver la sortie. D'après la légende, Thésée, héros athénien, dévia une pelote de fil à mesure qu'il traquait le Minotaure dans le labyrinthe. Après l'avoir tué, grâce à l'épée magique qu'il avait reçue d'Ariane, fille de Minos, amoureuse de lui, Thésée revint sur ses pas en suivant le fil et réussit à s'échapper du labyrinthe. Les Crétois de l'époque minoenne n'hésitaient pas à parcourir la Méditerranée au gré des vents. Leurs premiers bateaux furent vraisemblablement de grossières pirogues, tout juste bonnes à suivre les côtes. Mais dès le début du deuxième millénaire, ils avaient acquis les techniques de construction navale et de navigation qui leur permirent d'affronter la haute mer. Leurs charpentiers savaient fabriquer des mâts, des quilles et des bordages à partir du bois des chênes, des cyprès, des cèdres et des sapins provenant de forêts de montagne. On assemblait ensuite les vaisseaux au bord de l'eau, dans les innombrables criques qui découpent la côte crétoise. Les sceaux d'argile ou de pierre qu'emportaient les marins comme signe personnel d'identification portaient des images gravées de leurs navires. Certains de ces sceaux montrent des galères à la proue haute, à la poupe basse et à la coque arrondie, munies d'une seule voile carrée. Quelques bateaux portent à l'arrière un important gouvernail en forme de rame et une petite cabine figure parfois sur le pont. Quand le vent tombait, on avait recours aux rameurs, jusqu'à 25 de chaque côté. Les vaisseaux minoens étaient de loin les meilleurs de ceux qui naviguaient sur la Méditerranée, y compris les embarcations des Égyptiens conçues pour longer les côtes. La haute proue des navires minoens fendait les vagues et évitait la submersion du bateau. La robustesse de sa construction l'empêchait de se briser sous les coups répétés de la mer, tandis que la quille massive et longue lui donnait sa stabilité. De tels navires permettaient aux marins crétois d'affronter les subites et très rudes tempêtes et de naviguer en haute mer des semaines durant. Forts de ces robustes vaisseaux, les Crétois prirent la tête du commerce maritime de leur époque. Leurs bateaux, ainsi que leur situation au centre de la Méditerranée orientale, leur permirent d'établir des liaisons entre plusieurs grands centres de commerce. En quelques jours de navigation, ils pouvaient atteindre les Cyclades et la côte de l'Asie mineure au nord-est. Au nord-ouest, la Grèce continentale était éloignée de 300 km seulement. À moins de 600 km au sud-est, se trouvait la riche et attirante vallée du Nil, tandis que Chypre, la Syrie et la Palestine, distantes d'environ 950 km à l'est, étaient encore accessibles à la marine marchande crétoise. Des navires chargés de bois, d'huile d'olive, de vin, de poterie émaillée et d'objets de bronze ou d'argent martelés partaient de ports situés sur les côtes nord, est et sud de l'île. En échange, les Crétois acquéraient du cuivre à Chypre, de l'or et de l'ivoire en Égypte, de l'argent en Grèce et de l'obsidienne dans les îles de la mer Égée. De Syrie, ils rapportaient de l'étain et des lapis-lazuli, qui avait été acheminée par caravane depuis l'Asie centrale. En servant d'intermédiaire ou de courtier entre d'autres peuples, les Crétois accroissaient encore leurs bénéfices. Il est vraisemblable, par exemple, que le bois de cèdre importé, lui également de Syrie, par les pharaons d'Égypte, fut transporté à bord de leurs robustes navires. Le commerce permit aux Crétois d'étendre leur influence dans des régions fort diverses de la Méditerranée orientale. Ils réussirent à implanter leur culture tout au long de leur réseau de routes commerciales. Quelques-uns de ces sites portuaires furent de simples comptoirs. D'autres étaient de véritables colonies, pourvues d'un gouverneur et de responsables civils envoyés de Crète afin d'administrer la population locale. Certaines de ces colonies eurent une origine politique. Le souverain d'une île dominée par les Crétois, se trouvant sous la menace de rivaux ou d'ennemis, demandait la protection de la flotte minoenne. Les Crétois exigeaient en retour un serment d'allégeance. Il y eut des colonies minoennes un peu partout dans les Cyclades, sur les îles de Théra, Santorin, de Mélos et de Chios, entre autres. Les Crétois s'établirent également en Grèce continentale. Ils franchirent des distances plus grandes encore, sautant de Kassos à Carpathos, Rhodes, Kos et Samos, pour atteindre ensuite la côte de l'Asie mineure. Peut-être allèrent-ils jusqu'en Sicile, où, d'après la légende, Minos aurait trouvé la mort au cours d'une expédition militaire. Afin de venger un sacrilège, Minos et sa flotte auraient cinglé vers la Sicile à la poursuite de Dédale, le génie grec qui avait conçu le labyrinthe. Pour éviter d'être pris, celui-ci aurait aidé les ennemis de Minos à verser un chaudron d'eau bouillante sur le roi alors qu'il se prélassait dans son bain. En hommage au monarque assassiné, une cité appelée Minoa aurait alors été fondée en Sicile. Les Crétois se sentaient sûrs de leur domination sur mer. Apparemment dépourvus de navires de guerre spécialisés, ils durent armer leur marine marchande pour lutter contre les pirates et décourager tout envahisseur potentiel. Quoi qu'il en soit, aucun peuple ayant la Crète à sa portée n'eut l'audace ou les moyens de l'attaquer. Les Grecs du continent ne constituèrent pas une menace militaire pour la Crète, pas plus que les Égyptiens, dont la flotte fluviale ne mit jamais en péril la suprématie maritime des rois de Crète. Bien qu'ils fussent en général hostiles aux étrangers, les Égyptiens respectaient les Crétois en tant que marins et commerçants hors pair. À l'époque pharaonique, on désignait les étrangers par le terme Aounébou, ou peuple d'au-delà des mers, ceux-ci étant parfois appelés barbares exécrés de Dieu. Seuls les peuples de la Crète et de ses colonies furent reconnus et gratifiés d'une appellation particulière, les Keftiou. Durant les premiers siècles de l'ascension politique et commerciale de la Crète, l'île fut divisée en plusieurs principautés indépendantes, chacune dotée d'un grand palais. Mais, dès 1450 avant Jésus-Christ, les princes locaux qui occupaient ces élégants édifices étaient déjà soumis au roi de Knossos. Ce roi s'appelait également Minos, nom qui désigna peut-être tous les souverains crétois. Le siège du pouvoir royal était un immense palais qui, assis sur la crête d'une petite colline à environ 5 kilomètres de la côte, regardait vers la mer Égée. Reconstruit après le séisme dévastateur qui se produisit vers 1600 avant Jésus-Christ, le palais de Knossos comprenait une multitude de couloirs, colonnades et escaliers monumentaux sur plusieurs niveaux, le tout organisé autour d'une grande cour centrale. Quelques-unes des conceptions architecturales à l'origine de sa construction ont pu être empruntées au palais de Marie, ville mésopotamienne connue des marchands crétois. Mais, contrairement aux Égyptiens et aux Sumériens, les Crétois refusèrent la symétrie. Les architectes de Knossos remplirent le palais de salles aux dimensions et aux formes diverses, les reliant par des couloirs qui partaient en tous sens. Bon nombre de cloisons intérieures étaient constituées d'une multitude de portes dont l'ouverture permettait de modifier la forme des pièces. Les Grecs et les autres étrangers, ignorant le plan du palais, y virent sans doute un enchevêtrement énigmatique, un labyrinthe, en effet. C'est peut-être l'aile ouest du palais, où la famille royale vivait luxueusement, qui évoque le plus le labyrinthe du Minotaure. Un escalier tournant, appuyé sur une forêt de piliers de bois évasés, mène aux étages supérieurs. Ces piliers sont plus larges en haut qu'en bas. Cette convention pourrait s'expliquer par l'habitude ancienne de renverser les troncs d'arbres servant à soutenir les toitures afin de les empêcher de s'enraciner dans le sol en terre battue. Au-dessus de l'escalier, un des nombreux puits de lumière du palais permet d'y faire pénétrer les rayons du soleil. À chaque palier, L'escalier donne sur une véranda à colonnades qui surplombe un jardin luxuriant. Les cérémonies religieuses avaient lieu dans une salle belle mais sans prétention, meublée d'un unique siège en albâtre à dossier élevé, le plus vieux trône d'Europe. Là se tenait une prêtresse entourée de dignitaires assis sur des bancs de pierre. Une fresque aux figures un couple de griffons orne le mur derrière le trône. Face à celui-ci, un balustral, fait d'un bassin entouré d'une balustrade, ainsi que nombre de vases sacrés en pierre, devait servir à des rites de purification ou à d'autres usages cérémoniels. Religion et administration étaient étroitement liées dans la civilisation minoenne. Le taureau, symbole à la fois de la religion crétoise et du souverain, est partout présent dans les œuvres d'art du palais. Dès l'entrée, les visiteurs se trouvaient face à un gigantesque taureau en train de charger. Cette fresque dominait tout le mur est. Des représentations stylisées de cornes, sculptées dans de grands blocs de pierre, conféraient un caractère sacré aux pièces et aux couloirs qu'elles occupaient. Des vases en forme de tête de taureau servaient aux libations. Il se peut que le roi ait porté un masque de taureau au cours de certaines cérémonies, donnant ainsi naissance au mythe du Minotaure. Les devoirs religieux du roi faisaient peut-être de lui, aux yeux du peuple, un être divin. Il avait pourtant un autre rôle, celui de premier homme d'affaires de l'île. C'est sans doute de ce dernier rôle qu'il tirait son pouvoir. Grâce à sa puissante flotte, il contrôlait cette activité essentielle qu'était le commerce entre la Crète, ses colonies et les autres peuples, et devint immensément riche. Les coffres de pierre construits sous le palais regorgeaient d'or et d'argent, ainsi que de lapis-lazuli, de cornaline et d'améthyste. Tous les palais et toutes les villas de l'île possédaient d'importantes réserves de vin et d'huile d'olive qui servaient de monnaie d'échange. Le palais de Knossos détenait le plus important de ces trésors liquides. Ses magasins, au rez-de-chaussée, renfermaient des dizaines d'énormes jarres d'argile d'une capacité totale de plus de 250 000 litres. Une série de petites pièces situées au-delà des magasins servaient de bureau aux scribes. Là, ils tenaient la comptabilité des denrées disponibles, des avoirs du roi et de ses dettes, inscrivant ces sommes sur des tablettes d'argile. Comme chez les Sumériens, les premiers écrivains crétois semblent avoir été des comptables. Bien que riches et puissants, les monarques de l'époque minoenne furent apparemment plutôt modestes. On ne connaît ni monument ni effigie en leur honneur. Ils ne construisirent aucun bâtiment à leur propre mémoire, contrairement aux pharaons. Les peintures du palais de Knossos ne font qu'une allusion à leur réalisation. Il fallait toute une hiérarchie de bureaucrates et de gouverneurs de province pour administrer une société aussi complexe, à vocation commerciale. Certains hauts responsables possédaient d'élégantes villas à la campagne où ils supervisaient les travaux d'irrigation et l'exploitation des vignobles et des oliveraies, tout aussi utiles à la prospérité du pays et jouissant peut-être d'un prestige social égal, étaient les marchands et les capitaines des navires qui exportaient les produits du pays et revenaient avec des bénéfices. On pense que certains d'entre eux pouvaient être employés par l'État, tandis que d'autres étaient indépendants. Ceux qui s'enrichissaient de l'import-export bâtissaient des résidences imposantes dans les villes côtières proches des quais sur lesquels étaient échargés les objets de luxe rapportés par leurs navires. La pyramide sociale comportait également une aristocratie avec ses nobles et ses prêtres et prêtresses, une classe moyenne comprenant artisans, artistes, scribes et petits fonctionnaires, un prolétariat de paysans, de bergers et d'ouvriers, et un sous-prolétariat de serfs. Il se peut que les serfs crétois aient connu un sort meilleur que leurs homologues d'autres civilisations anciennes. En effet, il n'y avait pas, dans les villes crétoises, ces cabanes grossières et ces quartiers de taudis, généralement liés au système esclavagiste. Plus de 1000 ans après l'extinction de la culture minoenne, le philosophe grec Aristote consigna dans ses écrits que les serfs crétois étaient aussi bien lotis que les autres citoyens du royaume, sauf sur deux points importants, le port d'armes leur était interdit et aussi, curieusement, la pratique de la gymnastique. La structure sociale de la Crète demeura relativement stable au cours des siècles qui la virent évoluer et se développer. On lui connaît peu de manifestations de mécontentement, peu de ses agitations communes à la plupart des sociétés. Dépourvus de murs protecteurs, les palais minoens s'ouvraient sur les villes bouillonnantes de vie qui les entouraient. Aucun roi n'aurait pu survivre à un soulèvement, même limité, encore moins à une révolte générale. Des liens puissants devaient unir le roi aux nobles, aux marchands, aux artisans, aux agriculteurs et aux serfs. Il tenait peut-être un sentiment d'interdépendance, renforcé par des croyances religieuses. Quelles qu'aient été les causes profondes de sa puissance, la société crétoise se révéla d'une homogénéité remarquable et durable. Dans l'Iliade, Homère décrit la Crète comme un pays d'abondance, bien peuplé, aux 100 villes. Une exagération littéraire, sans doute. Il semblerait cependant que la population de l'île ait atteint 250 000 habitants durant son âge d'or, entre 1700 et 1450 avant Jésus-Christ. Cnossos même pourrait avoir abrité jusqu'à 40 000 habitants. Les peintres de l'époque affectionnaient les scènes de foule, ce qui nous laisse à penser que les bousculades urbaines leur étaient familières. La plupart des Crétois habitaient des villes ou des bourgades, jamais très loin de la côte. Leurs maisons, hautes d'un ou deux étages, étaient serrées les unes contre les autres, le long des ruelles sinueuses qui rayonnaient autour des palais ou des docks. Les demeures des riches comportaient jusqu'à 12 pièces, tandis que les moins fortunés se contentaient de maisonnettes de 3 pièces au plus et d'un sol en terre battue. Certaines maisons étaient ovales, mais la plupart avaient une forme rectangulaire avec une cour centrale ou un patio. Les murs, construits en blocage et enduits d'argile, reposaient sur des fondations de pierre. Les pièces étaient petites, les plafonds bas. La taille moyenne des Crétois ne dépassait guère 1,50 m. Le confort des familles de classe moyenne ou supérieure dépassait peut-être celui que connaissaient leurs contemporains égyptiens ou sumériens. Leurs maisons bien aménagées étaient entourées de fleurs en pot, parfois de jardins. Chaises et lits étaient faits de peaux de bêtes tendues sur des cadres de bois. Ni les maisons ni les palais ne possédaient d'âtres. Pour cuisiner ou se chauffer, les Crétois brûlaient du bois dans des braseros ou des fourneaux portatifs en argile ou en bronze. L'huile d'olive servait de combustible aux lampes en argile, en pierre ou en bronze qui éclairaient ces sombres demeures. L'équipement ménager usuel comprenait des marmites posées sur des trépieds, des louches, des entonnoirs et également des faisselles pour la fabrication du fromage. On mangeait bien à l'époque minoenne. Les Crétois fabriquaient du pain à partir de farine de blé et d'orge moulue à la maison. Leurs champs et leurs jardins produisaient des salades, des lentilles, des haricots, des pois et des courges. Les vergers ensoleillés abondaient en prunes, en coings et en figues. La mer remplissait leurs paniers de poulpes, de praires, de seiches et de poissons variés, tandis que leurs chèvres et leurs vaches les fournissaient en lait dont ils faisaient du fromage. En plus du vin, les Crétois buvaient de la bière d'orge. Nombre de leurs chopes sont ornées d'épis d'orge. Malgré leur amour de la bonne chère, les Crétois semblent avoir eu horreur des corps flasques, comme en témoigne leur art. Les hommes pratiquaient la gymnastique et divers sports afin d'entretenir leurs lignes et accentuer leur sveltesse par des ceintures très serrées. Leurs cheveux étaient longs et ils portaient rarement la barbe. Ils affectionnaient le port d'un simple pagne ou d'un kilt dans les grandes occasions et se chaussaient de sandales ou de bottes. Les femmes, en revanche, s'habillaient avec élégance, surtout celles qui appartenaient à la cour royale. Elles portaient des jupes serrées à la taille qui mettaient en valeur leur minceur et tombaient en volant de couleurs vives depuis les hanches jusqu'aux chevilles. Leur corsage ajusté laissait les seins dénudés. Leurs cheveux sombres étaient souvent coiffés en hauteur, avec parfois des boucles légères disposées sur le front et les joues. Des rubans ou des bijoux retenaient leurs longues tresses. Pour se rendre plus séduisantes encore, elles mettaient du rouge à lèvres, s'épilaient les sourcils et se fardaient les yeux. Les Crétois semblent avoir joui d'une liberté étonnante pour une époque où les femmes furent souvent traitées comme des biens. Au palais de Cnossos, on peut voir, sur une fresque, une foule de femmes élégantes, habillées avec extravagance, qui participent à quelques fêtes. Leurs coiffures exubérantes recouvrent les épaules et le dos. Des rangs de pierres précieuses et de perles se mêlent aux tresses. Une de ces femmes, en grande conversation avec sa voisine, avance la main dans un geste qui suggère un étonnement fin. Le plaisir qui anime de manière si évidente cette assemblée de femmes ne paraît pas être le fait de personnes opprimées. En effet, les femmes se mêlaient librement aux hommes lors des fêtes publiques. Les peintres crétois représentent des femmes qui prennent part à des événements sportifs et conduisent des chars aux côtés des hommes. En matière de religion aussi, les femmes jouissaient de l'égalité avec les hommes. Les prêtresses jouaient un rôle important dans les cérémonies religieuses. Les rites de mariage de cette époque donnent une impression de chaleur et de tendresse. Une gravure sur ivoire, trouvée près de Cnossos, montre ce qui semble être des fiançailles. La femme, pieds nus, porte une jupe à volant qui s'arrête à mi-mollet et un corselet. L'homme, habillé d'un pagne, porte un poignard à la ceinture. Face à face, ils se tiennent par les mains, les bras pliés, les avant-bras se frôlant. Autre scène touchante, qui figure sur une fresque, un homme debout derrière une femme habillée avec recherche ajuste le fermoir du collier d'or qui entoure son cou. Il est probable que les Crétois célébraient le mariage comme les autres grandes fêtes, par de la musique et de la danse. Ils jouaient d'instruments à percussion, à cordes et à bandes de toutes sortes, notamment la cithare à cordes, une espèce de hochet appelé sistre et le los double. Leur musique rythmait de nombreuses danses, sacrées ou profanes. Il fut un temps où l'on attribuait aux Crétois l'invention de la danse. En effet, on les voit souvent représentés en plein élan. Une terre cuite exhumée en Crète orientale montre trois femmes, les bras tendus, dansant autour d'une quatrième femme qui joue de la cithare. Sur un autre objet, les personnages se tiennent par la main et se déplacent lentement sur un rythme proche de celui des danses actuelles des paysannes crétoises. On racontait que Thésée, vainqueur légendaire du Minotaure, aperçut des Crétoises en train de danser la danse de la grue qui imitait la démarche de ces oiseaux aquatiques habitant des marais de l'île. Dans l'Iliade, Homère décrit ainsi un balaknosos. Des jeunes gens et des jeunes filles, pour lesquels un mari donnerait bien des bœufs, sont là qui dansent en se tenant la main au-dessus du poignet. Les jeunes filles portent de fins tissus. Les jeunes gens ont revêtu des tuniques bien tissées où luit doucement l'huile. Elles ont de belles couronnes. Eux portent des épées en or, pendues à des broderies en argent. Tantôt, avec une parfaite aisance, ils courent d'un pied exercé, tel un potier, assis, qui essaie la roue bien faite à sa main pour voir si elle marche. Tantôt, ils courent en ligne les uns vers les autres. Une foule immense et ravie fait cercle autour du cœur charmant, et deux acrobates, pour préluder à la fête, font la roue au milieu de tous. Les Crétois aimaient aussi les distractions moins tumultueuses, tels les jeux sur table ou le théâtre. Un échiquier en ivoire à bordure d'or, découvert à Knossos, servait peut-être à un jeu proche du jaquet. Les pions d'un jeu pratiqué par les aristocrates du palais de Phaistos, sur la côte sud, ressemblent aux pièces des échecs. Certains sont sculptés en forme de tête de lion ou de sabot de bœuf. À Phaistos également, on pouvait assister aux manifestations exceptionnelles qui avaient lieu dans l'amphithéâtre du palais. Les spectateurs se tenaient sur 10 niveaux qui s'étageaient autour d'une cour pavée servant de scène. À Knossos, un amphithéâtre similaire comptait 18 rangs de gradins d'un côté, 6 de l'autre et dans un angle, une loge privée pour la famille royale. Une vie de dur labeur se profile cependant derrière ces fêtes et cette prospérité. Les Crétois se montrèrent d'une grande habileté en tant qu'ingénieurs, constructeurs et artisans. Dans la ville industrielle de Gournia, sur la côte nord-ouest, menuisiers, tisserands, orfèvres, fabricants d'huile et tailleurs de pierre s'affairaient chacun dans sa petite maison. Les menuisiers possédaient un outillage perfectionné, comprenant de nombreux instruments dont la forme et la fonction n'allaient guère changer au cours des siècles. Scies de longueurs diverses, ciseaux à bois, poinçons, clous, limes et haches. Un bloc de schiste trouvé au domicile d'un menuisier de Gournia servait à mouler des outils en métal. Le propriétaire du moule le prisait au point de réparer soigneusement la fente irrégulière apparue sur le dessus. Il sangla le bloc d'étroites bandes de cuivre, sous lesquelles il enfonça de petites cales de pierre afin de resserrer davantage ce cerclage. Dans une pièce attenante se trouvaient plusieurs contrepoids de métier à tisser, en terre ou en pierre, rangés selon l'ordre probable de leur utilisation. Les forgerons crétois apprirent les secrets du travail du bronze auprès des Sumériens. Les fonderies de Gournia, et d'ailleurs, mélangeaient l'étain d'importation et le cuivre pour produire cet alliage. Une fois fondu dans les fours, le métal était versé dans les moules où il durcissait. Les métallurgistes minoens étaient renommés. Les orfèvres martelaient les feuilles de bronze sur une enclume, les chauffaient au feu, pour ensuite les souder en plusieurs couches afin d'en faire des harpons, des poignards, des pointes de flèches et des doubles haches. Ces dernières réservaient un usage essentiellement rituel. La qualité des épées crétoises, semblables à des rapières, était prisée des combattants qui guerroyaient sur tout le pourtour de la Méditerranée orientale. Les orfèvres façonnaient également des bijoux d'une grande finesse, des chaînes, et fabriquaient même des serrures. Dans les maisons des Crétois fortunés, en effet, Les portes étaient munies de fiches en bronze correspondant à des trous pratiqués dans les montants en gypse. La production d'huile d'olive, denrée d'échange par excellence, faisait appel à la fois à l'agriculture et à l'industrie. Avant de planter les jeunes oliviers, on retournait la terre au moyen d'une charrue à deux dents. Certains vergers étaient irrigués par un réseau compliqué de canaux et de rigoles. Lorsqu'au bout de 4 ou 5 ans, les arbres commençaient à porter des fruits, on cueillait ceux-ci en les gaulant. Un râteau ou une fourche servait à séparer les olives des feuilles. On trempait alors les olives dans de l'eau chaude, on les écrasait au moyen d'un pressoir et on les plaçait dans des cuves pleines d'eau pour les décanter. Une fois l'huile remontée à la surface, on débouchait les ouvertures pratiquées dans le fond des cuves pour laisser s'écouler l'eau. À Gournia et ailleurs, les tailleurs de pierre passaient de longues et dures journées dans les carrières pour approvisionner les infatigables bâtisseurs du pays. À l'aide de pioches, de coins et de foreuses, ils travaillaient le calcaire et le gypse pour façonner les blocs carrés destinés aux parements des palais et des grandes demeures. Les pierres étaient acheminées vers la ville sur des voitures à bras rudimentaires, aux roues pleines, tirées par des serfs ou des travailleurs libres. En l'absence de palans, il fallait hisser à la force des bras ces lourds blocs sur des rampes pour les monter jusqu'en haut du mur en construction, au premier ou au second étage. Le pavage des routes exigea d'énormes quantités de pierres et un travail colossal. Vers la fin de l'époque minoenne, l'île se trouva quadrillée de routes empierrées. La sécurité des voyageurs et de leurs biens était assurée par des postes de surveillance érigés en des points stratégiques. Les pierres servaient aussi à la construction de ponts, de levées et de piliers pour les aqueducs qui amenaient l'eau jusqu'aux villes et aux palais. Les Crétois furent des spécialistes de la circulation de l'eau. Les exploits d'ingénierie hydraulique figurent parmi leurs réalisations les plus impressionnantes. Ils construisirent des aqueducs d'une très grande ingéniosité. Le réseau de canalisation en terre cuite de Knossos relia le palais à une source de montagne distante de plus de 9 km. Chaque élément de tuyauterie était plus mince à un bout afin de s'ajuster avec précision au suivant. L'eau franchissait les gorges et les ravins sur des ponts en pierre. L'abondance d'eau courante rendait la vie dans les palais plus hygiénique et plus agréable pour leurs habitants qui inventèrent d'innombrables usages pour cette eau douce, s'entourant de fontaines, de bassins et de ruisselets. Dans la salle de bain du palais de Phaistos, des serviteurs placés en hauteur pouvaient arroser les baigneurs. À l'intérieur des appartements de la reine, à Knossos, se trouvaient des toilettes qu'on vidait en versant de l'eau contenue dans un récipient commodément disposé. Comme la Crète reçoit des averses torrentielles en automne et en hiver, les architectes minoens mirent beaucoup d'ingéniosité à résoudre le problème de l'évacuation des eaux de pluie. À l'intérieur et tout autour du palais de Knossos, un réseau complexe de chéneaux, de gouttières et de bassins assurait l'écoulement des eaux vers des buses en terre cuite d'une largeur telle qu'un homme pouvait s'y tenir debout. Un chéneau très incliné, le long d'un escalier extérieur du palais, souleva un problème particulièrement ardu. L'escalier se composait de volets partant à angle droit. Dévalant la pente, sans pouvoir prendre ses virages aigus, l'eau eut envahi les paliers. Les ingénieurs surent empêcher l'inondation par une série d'orifices subtilement arrondis ménagés sur le trajet de l'eau, ralentissant ainsi sa chute. Les artisans crétois étaient aussi méticuleux et inventifs que les architectes et les ingénieurs. Chacune de leurs créations, peintures murales majestueuses, fines poteries, vases de pierre élégants, bijoux exquis, sceaux gravés et statuettes d'ivoire, rayonnaient de vitalité et de couleur. Méfiant à l'égard de tout ce qui est prétentieux ou monumental, ils évitèrent la rigidité géométrique de leurs contemporains égyptiens et sumériens. Leurs œuvres reflètent une sensibilité enjouée, attentive à la vie quotidienne et aux miracles de la nature, autant que la maîtrise du métier. Une merveilleuse pièce de stéatite gravée, baptisée vase des moissonneurs, illustre, des siècles après sa fabrication, le plus beau style minoen. Les artisans lui donnèrent sa forme à l'aide de ciseaux et de trépans, puis la vidèrent avec une poudre abrasive. Ayant gravé la scène qui orne le pourtour, ils le vernirent à l'huile. On y voit un groupe de paysans allant au champ. Ils marchent gaiement, deux par deux, tout autour du vase, leur râteau de sol sur l'épaule. Ils semblent rire ou crier ou chanter avec entrain. Parmi eux, un musicien portant calotte brandit un sistre, suivi de trois chanteurs. Un des paysans, tombé dans les jambes de celui qui le précède, est grondé vivement mais sans malice. Dans une peinture murale grandeur nature et d'un art tout aussi consommé, figurent des éléments naturels d'une très grande vigueur. Un chat sauvage, caché dans un fourré, guette un oiseau dans un champ éclatant de fleurs. Les fresques furent peintes sur un enduit encore humide, procédé exigeant rapidité et spontanéité dans l'exécution. Les peintres fabriquaient leurs couleurs à base de substances minérales, telles que le silicate de cuivre pour le bleu, le charbon de bois pour le noir, l'ocre pour le rouge ou le jaune, et ils les employèrent très librement. Les représentations de figures humaines, toujours de profil, reproduisaient une convention probablement puisée en Égypte. Les hommes en rouge, les femmes en blanc. L'emploi d'autres couleurs était aussi peu réaliste. N'importe quoi pour rendre la végétation, par exemple, mais très rarement du vert. Dans une de ces fresques, un singe bleu est représenté parmi les bêtes de la ménagerie royale. Tous les arts reflètent la même créativité enjouée. Coupes et vases peuvent avoir le bec allongé et lents sinueuses et être hérissés de rangées de pointes. Les orfèvres transformaient de fines feuilles d'or en fleurs, en bêtes, en insectes. Les sceaux et les pierres précieuses portaient des gravures à peine perceptibles à l'œil nu. Les productions de l'art minoen précoce, tasses, vases, sceaux et autres objets, portent des inscriptions de la même écriture, semble-t-il, que celles des scribes. Celles-ci, incompréhensibles aux générations ultérieures, étaient basées sur des hiéroglyphes symbolisant les gens, les bêtes, les arbres et outils, ainsi que d'autres objets faciles à reconnaître. Vers 1700 avant Jésus-Christ, cette écriture fruste fut remplacée par une autre, stylisée, l'indéchiffrable linéaire A, inscrite sur des tablettes d'argile humide. Environ 3 siècles plus tard apparut un ensemble de symboles écrits entièrement nouveaux, utilisés surtout pour la comptabilité, ce qu'on appelle aujourd'hui linéaire B. Cette écriture, transcription de la langue grecque apportée du continent par les Mycéniens, a pu être déchiffrée contrairement à la précédente. Une tablette trouvée dans l'armurerie du palais de Knossos semble faire partie d'un inventaire. On y lit « voiture à cheval, peinte en rouge, avec carrosserie ajustée, pourvue de rennes ». Garde-corps en figuier sauvage avec articulation en corne, un char. Peut-être y eut-il des écoles où l'on enseignait l'écriture aux enfants ou aux apprentis scribes. Dans une petite salle, près des appartements royaux de Knossos, on a trouvé, posées sur des bancs de pierre, des tablettes ayant servi à des exercices d'écriture. En haut de chacune d'elles figure une phrase, écrite d'une main sûre, sans doute celle du maître. Au-dessous, les élèves la recopièrent d'une main tremblante. Les Crétois vénéraient la nature. Certaines fresques, ainsi que des vases, des anneaux et des sceaux, nous présentent des personnages dans une attitude respectueuse devant des éléments du monde naturel, montagnes, arbres, oiseaux, serpents ou taureaux. Considérant comme sacré tout lieu et toute chose, Minos et son peuple ne bâtirent aucun grand monument religieux et peu de temples. Ils entretinrent des autels chez eux et firent leur dévotion dans les forêts, au sommet des montagnes ou dans l'une des nombreuses grottes creusées par l'eau dans le relief calcaire. À l'entrée de ces grottes, ils déposaient des offrandes, statues en argile ou en bronze, couteaux et épées, poteries et sceaux. À Knossos, le sous-sol du palais servait aux dévotions de la famille royale. Bien que croyant fermement à la vie future, les Crétois ne se préoccupaient guère de la conservation des dépouilles mortelles. Au premier stade de leur civilisation, ils construisirent des tombeaux collectifs ou tholos, bâtiments circulaires, bas, en pierre, peut-être voûtés. D'autres tombeaux rectangulaires semblent imiter les maisons des vivants. Quelle que soit leur forme, ces constructions pourraient apparemment n'avoir reçu les ossements des morts qu'après un séjour préalable à même la terre. Elles servirent pendant des siècles aux mêmes familles ou aux mêmes clans. De temps à autre, on les nettoyait et on renouvelait la terre du sol en vue d'un autre cycle d'inhumation. Les tombeaux, comme les cavernes et autres lieux obscurs, constituaient, pensait-on, des passages vers l'au-delà et étaient souvent équipés d'objets usuels afin d'aider les morts à monter leur ménage dans la vie future. La déesse mère figurait en bonne place parmi les divinités crétoises. Son image orne d'innombrables objets d'art. De matrone potelée au début de la civilisation minoenne, elle devint ensuite une crétoise élégante habillée d'une jupe à volant et d'un juste corps dénudant les seins. Un jeune homme, peut-être son fils, accompagne parfois la déesse mère. Il se peut que ce dieu mineur ait été adoré en tant qu'incarnation du cycle des saisons, de la mort et de la renaissance du règne végétal. Plus tard, les Grecs considérèrent qu'il s'agissait de Zeus, leur propre dieu suprême, mais dans l'enfance. La déesse mère porte parfois des serpents, tête dressée dans ses mains ou bien levée autour de son corps. Ceux-ci ne représentaient pas forcément une menace. C'était plutôt de bienveillants visiteurs venus de l'au-delà, qui protégeaient les maisons ainsi que leurs habitants contre divers maux. Le pouvoir de la déesse mère ne s'arrêtait pas à la maison, cependant. Elle régnait, toute puissante, sur l'humanité et la nature. Son empire s'étendait aux récoltes, aux temps et à maints autres domaines sur lesquels les Crétois eux-mêmes n'avaient que peu ou pas de prise. On invoquait sa puissance au moyen d'offrandes, de danses et de prières. La prière se pratiquait la main droite levée, paume en avant et doigts écartés, ou bien la main appuyée sur le front. La compétition sportive, comme la danse et la prière, constituait une forme d'adoration. Par leurs concours de course à pied, de saut, de lutte et de boxe, les athlètes célébraient la déesse mère ainsi que les autres divinités. Les lutteurs, quelque peu protégés par des jambières de cuir, des gants et des casques, échangeaient coups de pied et coups de poing. L'intensité de ces combats est bien rendue par une gravure sur pierre montrant trois scènes de boxe. Dans la première, un boxeur lève un poing ganté au-dessus de son partenaire prostré. La suivante montre deux combattants dont l'un est près de tomber mais lutte encore. Dans la troisième scène, les deux hommes sont à terre et continuent de se battre à coups de pied. La manifestation sportive la plus populaire et la plus dangereuse était la tauromachie, spectacle d'acrobatie au cours duquel les casse-cous taquinaient des taureaux furieux. Lors de la charge du taureau, l'acrobate attrapait les cornes de l'animal au risque de sa vie et de son intégrité physique pour rouler ou se faire jeter par-dessus la tête de l'animal. Certains faisaient le poirier sur le dos de la bête, tandis que d'autres atterrissaient sur leurs pieds, puis, par un saut périlleux, se projetaient dans les bras d'un camarade. Des taureaux sauvages étaient capturés et entraînés pour ces spectacles. Une coupe en or, de facture minoenne, montre un taureau se frottant contre une vache factice, pendant qu'un crétois plein d'adresse lui attache les pattes de derrière. Afin d'acquérir la précision requise, les acrobates s'entraînaient sur des taureaux domestiqués. Il leur fallait beaucoup de courage, en plus de l'habileté, pour pratiquer ce sport. Les sauts étaient, à coup sûr, fréquemment mortels. Une fresque saisissante de Knossos montre une acrobate en équilibre tenant les cornes d'un énorme taureau pendant qu'un homme voltige par-dessus la bête, ses mains prenant appui sur le dos de celle-ci. Derrière le taureau, une autre femme, bras ouverts, attend la retombée de l'acrobate. La tauromachie servit de divertissement aux Crétois pendant plus de 5 siècles, mais elle fut bien plus qu'une simple prouesse exaltante. Il s'agissait d'un rituel sacré pratiqué en l'honneur de la déesse mère. C'est après le spectacle qu'avait lieu le suprême dénouement, le sacrifice du taureau au nom de la déesse. Par ces sacrifices sanglants, les Crétois espéraient sans doute apaiser la déesse et la convaincre d'intervenir pour leur éviter naufrage, accidents, maladies, mauvaises récoltes et par-dessus tout les tremblements de terre. La Crète fut victime de séismes violents qui la frappèrent jusqu'à 2 fois par siècle, semble-t-il, et des secousses plus légères se produisaient plus fréquemment encore. Leurs effets pouvaient être catastrophiques. Des maisons, des palais, des villes entières détruites, de nombreux citoyens tués, écrasés sous les murs qui s'effondraient. Jamais les habitants ne purent oublier complètement la menace cachée au sein de leur terre. Peut-être l'associèrent-ils à un dieu taureau demeurant dans les profondeurs et prirent-ils le sourd grondement du sol qui bouge pour le mugissement de la bête sacrée secouant l'univers à la pointe de ses cornes. Une telle croyance pourrait expliquer le sacrifice rituel des taureaux. Les requêtes présentées aux dieux dans le but d'empêcher les catastrophes prirent également d'autres formes. Les habitants du palais de Knossos vouèrent un culte aux piliers qui soutenaient l'édifice. Afin de leur conférer plus de solidité, ils les consacrèrent au moyen de peintures représentant la double hache, symbole vénéré de leur culture. Au début du XVe siècle avant Jésus-Christ, une série de séismes, suivis de leurs ondes de choc, dévasta l'île. Des conflits internes ajoutèrent au désordre, à la faveur peut-être du désarroi général occasionné par tant de destructions et de morts. Des combats eurent lieu entre la dynastie de Knossos et les autres souverains. Le royaume de Knossos en sortit vainqueur et les autres palais furent détruits. Les troubles internes affaiblirent cependant la Crète et la rendirent vulnérable, phénomène qui ne passa pas inaperçu des Mycéniens, ces habitants belliqueux de la Grèce continentale. Fort d'une connaissance de la mer apprise peut-être des Crétois, ils s'emparèrent de nombreuses colonies minoennes insulaires, profitant de la faiblesse provisoire des maîtres. Leurs tentatives répétées pour prendre la Crète même échouèrent toutes jusque vers 1450 avant Jésus-Christ. C'est alors qu'intervint une autre catastrophe naturelle qui sonna le glas de la civilisation minoenne. Il s'agit cette fois de l'éruption d'un volcan sur l'île de Théra, à 110 km seulement du nord de la Crète. La force de l'explosion fut telle qu'elle créa un raz-de-marée avec des vagues de 60 mètres de haut qui s'abattit sur la Crète. Les installations portuaires furent sans doute rasées par cette muraille d'eau et des milliers d'habitants tués dans les villes de la côte nord très peuplées. La flotte minoenne fut peut-être entièrement submergée et détruite, laissant l'île pratiquement sans défense. Les Grecs ne tardaient pas à prendre possession de Knossos et de la Crète tout entière, ainsi que des dernières colonies minoennes de l'Égée. Vers 1400 avant Jésus-Christ, ceux qui avaient survécu à ces bouleversements vivaient éparpillés dans des villages pastoraux isolés. Le palais de Knossos fut occupé. Les tablettes d'inventaire de ces magasins portèrent une forme d'écriture grecque. De nouvelles fresques furent peintes, raides et symétriques. Le palais lui-même connut une fin brutale. Il fut ravagé par les flammes et la maçonnerie s'effondra. L'éblouissante période minoenne avait pris fin.